Docteur, sommes-nous encore loin de la côte ? Demanda Joe. Tout ce que je puis te dire, c'est que Tombouctou se trouve encore à 400 milles dans l'ouest. Et si le vent ne nous écarte pas trop, je compte rencontrer cette ville mardi vers le soir. Le lundi, le temps changea complètement. La pluie se mit à tomber avec une grande violence. Nous tarderons pas à voir le Niger, dit le docteur. À midi, le Victoria passait au-dessus d'une bourgade, d'une réunion de huttes assez misérables, Gao, qui fut autrefois une grande capitale. Il me semble, dit le docteur, que notre direction change. Il souffle un petit vent de sud-est qui va nous remettre en bon chemin. En effet, le Victoria reprenait une route plus au nord et le 20 au matin, il passait au-dessus d'un inextricable réseau de canaux, tout l'enchevêtrement complet des affluents du Niger. Bientôt, un amphithéâtre de maisons basses apparut à un détour du fleuve. « C'est Cabra !» s'écria joyeusement le docteur. « C'est le port de Tombouctou. La ville n'est pas à 5 000 d'ici. » En effet, à 2 heures, la reine du désert, la mystérieuse Tombouctou, qui eut comme Athènes et Rome ses écoles de savants et ses chaires de philosophie, se déploya sur les regards des voyageurs. Mais ce grand centre de civilisation n'est plus que l'entrepôt de commerce de l'Afrique centrale. La ville accusait la nonchalance épidémique des cités qui s'en vont. Les voyageurs, repoussés par le vent du désert, reprirent leur cours sinueux du fleuve, et bientôt, Tombouctou ne fut plus qu'un des souvenirs rapides de leur voyage. « Et maintenant, dit le docteur, le ciel nous conduise, il nous plaira. »« Pourvu que ce soit dans l'ouest, répliqua Kennedy. »« Où crois-tu rencontrer la côte graphique, Samuel ?»« Je serai fort empêché de te répondre, Dick. Nous sommes à la merci de vents très variables. » À la nuit tombante, le docteur jeta les derniers sacs de l'est. Le Victoria se releva, et le lendemain, il se réveillait sur les bords du Niger, non loin du lac Debo.